Exercice 10, page 89. A. Elle est très impatiente. Transformer. Elle est moins impatiente. B. Elle est très inspirée. Transformer. Elle est moins inspirée. C. Elle est très informée. Transformer. Elle est moins informée. D. Elle est très impressionnée. Transformer. Elle est moins impressionnée. E. Elle est très intéressée. Transformer. Elle est moins intéressée. F. Elle est très intimidée. Transformer. Elle est moins intimidée.